À qui, à qui, à qui? À nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui, à qui, à qui? À nous.